se terminer pour les grands, les petits. La journée va se terminer pour les grands, les petits. Le soleil est déjà couché. Il faut faire comme lui. Bonne nuit, mes petits.